L'essentiel, il est 15h. Easy as the river, as the flows into the sea. And I'm liking this life we lead. Happy moments, shared it with you and me. And I'm liking this life we lead. Liking it, loving it, laughing every day. Liking it, loving it, laughing every way. I'm loving you. I'm loving you. Easy as the seed, as it grows into a tree. And I'm liking this life we lead. And the moon as it spins around the earth. And I'm liking this life we lead. Liking it, loving it, laughing every day. Liking it, loving it, laughing every way. I'm loving you. I'm loving you. Even if that all should fade away, I'd be glad just for today. Hey. Easy as the evening as it fades into the night. And I'm liking this life. Bonjour à tous et bienvenue sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel sur l'Orléanais. Nous sommes ensemble, oh là là, jusqu'à 18h. Au programme, jusqu'à 17h, micro ouvert. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que la semaine prochaine, le micro sera vraiment ouvert pour Valérie. Alors Valérie, bien sûr, serait revenue beaucoup plus tôt si notre radio était accessible aux gens à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas. Mais Valérie a tellement de courage et tellement l'amour de la radio qu'elle va revenir. Donc, micro ouvert, le vrai, celui de Valérie, ce sera mercredi prochain à partir de 15h. Pour ce mercredi 27, eh bien ma foi, nous allons l'attendre le plus confortablement possible et le plus joyeusement possible avec plein de jolies chansons françaises qu'elle aime, avec le jazz qu'elle aime, avec la chanson francophone en général, hein, belge, québécoise et autres. À 17h, le rendez-vous est déjà fixé. C'est celui de La vie comme elle va, équipe au grand complet aujourd'hui. Reine est revenue de voyage. Et vous voyez, il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous retrouverez donc les amoureux du livre que sont Irène, Eliane et Jean-Pierre qui partagent chaque semaine, le mercredi, entre 17h et 18h, leur passion des livres. 17h, 18h, La vie comme elle va. Et comme dit Irène, elle va bien. Et puis, à 18h, musique traditionnelle sur Radio Arc-en-Ciel avec Violette. Ce rendez-vous n'a plus d'âge, hein, on va dire ça, Violette. Et puis, on y retrouve les chansons à danser, à chanter. Celles d'hier, celles d'aujourd'hui et peut-être celles qui vous feront danser demain. À 19h, Violette ouvrira son agenda des sorties et vous saurez où aller vous dégourdir les gambettes dans les semaines à venir. 18h, 19h30, traditionnel, c'est avec Violette sur Radio Arc-en-Ciel. Jusqu'au bout des doigts, s'appelle Sylvie Legendre et elle est québécoise. Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage, derrière. I'm 50. Fifties dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, bien coiffeur. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise. Não sinto tua vontade. Carmen Souza, un album qui vient de sortir, il n'est même pas sorti, il va sortir au mois de janvier, et c'est vraiment superbe. Je ne me lasse pas de l'écouter, et quand je l'écoute, je pense à Arjé Miro, que vous allez retrouver demain matin à partir de 9h, parce que lui aussi aime cette musique un petit peu jazz, empreinte de musique de culture portugaise et aussi autre, hein, Cap-Vert. Vraiment, c'est génial. Alors, j'espère, je suis sûr qu'il va vous en passer parce qu'il adore ça. Ceci dit, vous êtes en micro ouvert et puis, on est là pour se faire plaisir. surrender your love. I knew from the start that you were part of me. Two hearts, one soul. À compter le temps. et de faire semblant. On nous force à compter le temps. Yeah, yeah. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Je devais partir, je ne pouvais plus mentir. J'ai laissé ma vie derrière, sans regarder en arrière. J'étais seul à la gare, seul avec le hasard. Je devais savoir, connaître toute l'histoire. Trop de rêves oubliés m'empêchaient de rêver. La route est longue quand on voyage avec son nom. J'ai pris le premier train, celui qui mène plus loin. Changer de paysage pour tourner la page. J'ai pris le premier train, celui qui mène plus loin. Un si long voyage et si peu de bagages. C'est parfois pire. Mes souvenirs en poussière, l'avenir est un mystère. Oh, sans un dernier regard pour me souvenir encore, j'ai pris le long chemin pour oublier d'où je viens. La nature sauvage, les plus beaux des mirages. Un si long voyage pour oublier ton visage. J'ai pris le premier train, celui qui mène plus loin. Un si long voyage et si peu de bagages. On anyone, Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ce que les fonds d'enfants ne me fait plus envie du monde. Je ne suis plus le nombril, je décroche de la philosophie. Tous mes diplômes m'ont mal servi. Mais le soleil m'emporte, je combats les fonds dans les portes. Mon sourire demeure en place tout le temps. Oui, le soleil m'emporte, je combats les fonds dans les portes. Son sourire demeure en place tout le temps. Car ces jours-ci, ce que la vie me dit, c'est chibabri-pa-chipirou, brabri-pa-chipa-chipirou, chibabri-pa-chipirou, brabri. Tiens, tiens, qui va là? Salut toi, c'est de muse. Oh, c'est mon Eldorado, j'ai beaucoup de plaisir. Je ne peux pas partir. Bonheur sur ce lit rempli de fleurs. Elle est tellement jolie, pas le seul qui en meurt d'envie. Mais elle reste avec moi. Ces jours-ci, mon cœur me sourit. Chibabri-pa-chipirou, brabri-pa-chipa-chipirou. Chibabri-pa-chipirou, brabri. J'ai cru ce que je croyais bon, ce que je croyais bien. J'ai presque adoré chaque matin. Et maintenant, au bout du chemin, j'essaie de me rappeler d'où je viens et de savoir où je pourrais bien aller. J'entends la mort me chuchoter. Chibabri-pap-chipirou, brabri-pap-chipap-chipirou. Chibabri-pap-chipirou, brabri-pou. Chibiri-biri-ptip. Yeah. You had this idea that you only needed to hear me confess, and I had to see you thinking we could help each other out of this mess. And now what more do you want me to say? If it ain't the right thing, I'm gonna pay. With you, I just feel lonelier. When I'm with you, I just feel lonelier. What more do you want me to say? If it ain't the right thing, I'm gonna pick your reasons. You got your reasons. You got your good, good reasons, and then I got the notion that this wasn't really what we were talking about when you spilled an ocean. Mingled in the dusk, you swept under my lashes and the muddy tears I wept, lurking in secret cobweb spaces of your mind, under the dust and mothballs, the treasures you left behind. Of your reasons, you got your reasons, you got your good, good reasons, and I got mine. travaillez pas toujours de notre bord et le vent tourne pas toujours du bon côté. Faut-tu attendre que la maladie nous rassemble? Il serait bon d'être ensemble pendant qu'on est sous nos deux jambes. Va-tu falloir compter sur la chance de se voir au hasard un dimanche? Mais si ça prend du temps de change, on est noir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Fais-toi pas d'idée. Pensons à ta mère qui s'ennuie, pis à ta soeur qui eut son petit dernier depuis. Ton frère qui bûche toute l'année pour finir l'université, pis toi t'en as rien à cirer. Mais si ça prend tout ton change, on est noir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Mais si ça prend tout ton change, on est noir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Fais-toi pas d'idée. Quand tu jugeras bon de venir faire un tour à maison, peu importe la raison, je te paye une bière sur le balcon. Faire des idées noires. Viens donc faire un tour à maison. Arrête donc de défiler. Les saisons passent et les années nous sont comptées. Le temps y est pas toujours de notre bord et le vent tourne pas toujours du bon côté. C'est mon grand, on est tes parents. On t'aimera toujours inconditionnellement. On voulait pas être fatigué, on s'ennuie de toi tout simplement. Viens faire un tour de temps en temps. Mais si ça prend de ton change, on est le voir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Mais si ça prend de ton change, on est le voir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Mais si ça prend de ton change, on est le voir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Mais si ça prend tout petit change pour venir nous voir, laisse donc faire, c'est pas moi qui va te supplier. Fais-toi pas d'idée. But it soon is a hymn to your grace. When the music swells, I'm touching your hand. It tells me you're standing near. And at the sound of your voice, heaven opens its portals to me. Can I help but rejoice that a song such as ours came to be? But I always knew I would live life through with a song in my heart for you. Thank you. heaven opens its portals to me, can I help but rejoice that a song such as ours came to be? But I always knew I would live life through with a song in my heart for you. Bottom plans that you had. I know you're used to getting caught up. My intuition says you come with a lot. You got that time to leave, time to go, time for us to shake off all these eyes and beat the rush to make each other comfortable enough. You can be. Something more. say if you don't agree, if you know with them, you are against them. Even if you seem to agree, you are the problem. You came with this game. Yes, I can be this kind of girl. They call me lazy, I call it happy. When I sing along without a worry, will you come along and do this with me? You and I deserve to fly. Toujours mon cœur sait. Technique

Sur Radio Arc-en-Ciel, le temps passe vite, ma foi. Un petit peu plus de 16h20. Vous êtes dans Micro Ouvert, l'émission conçue et créée par Valérie, que nous retrouverons dès la semaine prochaine. Je vous l'ai dit en début d'émission. À 17h, ce seront les gens de la vie comme elle va. L'émission littéraire de Radio Arc-en-Ciel, l'émission où le livre fait son show sur la fréquence. Et puis à 18h, rendez-vous incontournable sur la... pour tous ceux qui aiment la musique traditionnelle et qui aiment danser, qui aiment chanter, Violette sera là. À 19h, elle ouvrira son agenda des sorties et vous allez en savoir des choses. 18h, 19h30, ça s'appelle Traditionnel et ça porte bien son nom. Merci Violette. N'est pas avoir de bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel. Écoutez-moi ça. pour encore plus de musique traditionnelle, on vous donne tous rendez-vous à 18h. D'ici là, j'espère que tout va bien. En tous les cas, chez nous, c'est comme ça. Bien, Lily Crow, Thierry Chazelle. Ils vont bien ces deux-là. Et la dame qui vient aussi, Thérèse Montcalm. Moi, dans ma douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques, je te sens, tu es là, je m'agrippe à ton corps, imagine. C'est clair, c'est clair, c'est clair, on est prêt. me manques, mais pourquoi? Dis-le-moi, où es-tu? Mais on va, je t'entends que volé Hey, fais-moi sentir de ta chaleur qui fait fondre la peur et montre-moi la lumière afin que le feu en moi s'éclaire, s'éclaire, s'éclaire. Oh, l'embre la that It's raining. Et Vanille, vous connaissez ? Mon ami, tu m'as dit l'amour, c'est tout comme à l'oiseau. Qu'on chasse le premier jour, qu'on préfère voir sur les tableaux. Peu à peu, on le laisse voler au-dessus de nos têtes. On l'écoute volontiers chanter, posé sur la fenêtre. De s'enfuir à l'heure où il en a envie. Moi, je n'ai que des amours mortes dans mon ciel à regret. Et je m'échoue devant ta porte. Je suis l'oiseau blessé. this is too crazy. My nights are full of colors and dreams, so you know I still feel dizzy. But I don't want to complain, you made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. I can't take responsibility for the whole humanity. Yeah, I know it sounds easy, but each one has his own belief system ingrained. Impregnable fortress, I'm in chains. And I don't want to complain, you made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please come and help me slowly, surely, and carefully. Please come and help me to know, divide the world between you and me. Oh yes, I fight for integrity, failing to achieve immortality. But I lose on my way a lot of energy, building my path very much consciously. If suddenly I have to open a new door, am I ready to forget all my record? Life is a cycle, a drama, maybe an opera, but somehow it's time for me to start a new era. But I don't want to complain, you made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please come and help me slowly, surely, and carefully. Please come and help me to know, divide the world between you and me. No, I don't want to complain, you made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me, my baby. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. No, oh, I don't want to complain, but you made it hard for me. Thank you.

67 31 34. Pavégor recherche actuellement un poseur de pavés avec expérience. SARL Pavégor, 59 B, route nationale 20, 45 520 à Cercle. 02 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Ah tiens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde sait que tu as eu ton sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire. Bah oui, alors 299€ par mois. Je leur dis quoi, mes gars ? En ce moment, offrez-vous un sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 299€ par mois. Entretien, extension garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Sprinter Fourgon 211-39S traction en crédit by facility 36 mois, 120 000 km, premier loyer 4379€ hors taxes, à professionnel, valable jusqu'au 31-12-2019, c'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Beneficie desta oferta em Etoile Pro, o seu distribuidor Mercedes-Benz em Tours. I told you this morning, baby, I had the resolution blues. Morning, baby, I had the resolution blues. You're first on my list, so you can do just what you choose. Need for you to cry. Your acting's got me boggy, and I'm gonna tell you why. I served you off for butter, now you swear I wanted Lord. I can sense to fear what makes your big fat head so hard. If I had my way about it. Arc-en-ciel, Arc-en-ciel. Radio Arc-en-ciel, vous écoutez Radio Arc-en-ciel, il est 17h.